Évaporation. Le lendemain, comme je ne pouvais presque plus marcher à cause de ma maladie au pied, je partis avec Aboubakar en moto pour le Nigeria, sans me retourner. J'avais deux options, ou rentrer en France ou aller au Sénégal pour construire un autre haut fourneau. Je comptais prendre ma décision à Dakar, Sénégal. J'avais en poche juste le nécessaire pour le trajet, environ 500 euros. La mère Macrel ainsi que les habitants du plateau, sachant que j'allais peut-être en Europe, me proposèrent de rentrer avec des pierres précieuses, mais je refusais. Mon but n'étant pas de faire du fric de cette manière. J'avais quelque chose de bien plus précieux, une histoire à raconter. Des informations inédites sur la réalité et surtout un savoir-faire unique au monde. Autoconstructeur de hauts fourneaux. La route praticable en moto s'arrêtant toujours à Selbé, c'est après un calvaire de 4 heures de marche pour arriver au fond de la vallée, à Marmite, que je retrouvais une équipe de zoologistes. Ils étaient tous originaires d'Europe et la responsable venait de Suisse. Ils étaient ici pour étudier le comportement des primates et par analogie mieux comprendre celui de l'humain. Ils m'offrirent à manger. Après 2 ans de riz et de maïs, c'est le meilleur plat de pâtes que j'ai jamais mangé. En échange, je leur racontais ce qui se passait sur le plateau et dans les montagnes. Nous discutâmes également de nos cousins les singes et du braconnage. Ayant vécu avec la population, je savais faire la différence entre ceux qui chassaient pour se nourrir et ceux qui tuaient pour l'argent. De nombreuses espèces sont en voie de disparition dans ce parc de Gashaka. Je leur exposais donc la filière braconnage pour l'argent. Un seul homme était à la tête de ce réseau. C'était John, le propriétaire d'un bar-bordel de Léoal. Il était le principal dealer de drogue de la région, mais surtout c'était lui qui centralisait toutes les peaux de félins, les mains, les pieds et les têtes de grands singes. En plus, il passait des commandes, c'est-à-dire qu'en fonction de la demande de ses clients, il fournissait aux chasseurs les balles pour aller tuer. Un des bons copains d'Emmanuel. Pour plus d'efficacité, j'en ai même parlé directement aux gardes forestiers. De toute façon, je savais que je ne reviendrais pas. Donc autant faire le maximum de bien avant de partir. Le lendemain, je pris la moto pour la ville de Serti ou de Yapado. À mon arrivée, un employé du parc me prit en charge pour faire les démarches administratives pour traverser le Nigeria. Avant cela, il me conseilla de changer d'apparence. Donc, je quitte mes habits de berger, puis coiffeur, jean et chemise. Après que la police eut vérifié mes papiers, l'agent de l'immigration me dit qu'il n'y avait pas de tampon de transit, car Serti, Yapado, n'était pas un poste de frontière. Il m'envoie donc au siège de l'immigration à Jalingo, une ville à 100 km au nord. Il me donna son numéro de téléphone au cas où j'ai des problèmes sur la route. J'en ai eu, mais j'arrive quand même le soir à Jalingo. Lors du trajet, chose très importante, j'avais essayé de joindre ma famille en France pour les prévenir du début de mon voyage. Je n'ai réussi qu'à parler à mon frère Amadou, mais la communication était tellement mauvaise que je pus juste lui faire savoir que « je te rappellerai plus tard ». À mon arrivée devant les bureaux de l'immigration, il était trop tard. C'était fermé. Je m'adresse donc aux militaires gardant l'entrée pour savoir s'il est possible de quand même avoir juste un tampon de transit. Ils me font rentrer dans la cour. Il y avait 4 personnes armées. Ils demandèrent à voir à l'intérieur de mon sac. Pas de problème. Je déballe mes affaires, presque rien, des vêtements et des documents. Je leur donne le numéro de leur collègue à contacter à Serti. Ils ne l'appellent pas et commencent un interrogatoire avec mes passeports, français et sénégalais, entre les mains. Pour m'impressionner, leur chef commence à gueuler, mais ce n'était pas mon premier interrogatoire. Au final, ils me menacent de me mettre en cellule. Personnellement, je ne savais pas où j'allais dormir. Donc ils prennent mon sac et je garde sur moi la seule chose que je ne les ai pas autorisés à inspecter, mon porte-monnaie. Ils m'amenèrent dans une grande pièce blanche avec du carrelage au sol et avec des barreaux aux fenêtres. Ils ferment la porte à clé en me laissant seul. Il était environ 19 heures. Je m'allonge et je m'endors sur le sol. Vers minuit, la porte s'ouvre et 5 personnes en uniforme font irruption avec des lampes torches et un fusil. J'étais alors assis contre un des murs quand ils me disent d'enlever mes chaussures et mes vêtements. Je n'étais pas stressé, je savais d'expérience que c'était la fouille. Donc, j'enlève tranquillement mes chaussures et mon pantalon. Mais quand ils me disent qu'ils veulent mon porte-monnaie en bandoulière, je leur dis « non ». Un coup de poing fit voler mes lunettes. De toute façon, je ne distinguais pas mes interlocuteurs qui étaient derrière des lampes torches. Je demande « pourquoi ?» Et ils me répondent qu'ils veulent voir à l'intérieur. Je sors les billets en leur montrant qu'il n'y a que des billets, puis les mets dans mon poing que je serre. Je leur jette mon porte-monnaie vide, mais ce qu'ils voulaient, c'était mon argent. Pour récompense, je reçus un jet de bombe lacrymogène. Ils me l'ont envoyé directement dans l'œil, c'est-à-dire à 5 cm du visage, avec les yeux grands ouverts. Je n'y voyais presque plus rien, mais je me suis redressé pour me battre. Après une minute de bagarre, ne pouvant me maîtriser, ils se sont écartés en disant que si je leur donnais pas mon argent, ils me tueraient. Je m'étais mis contre un mur pour qu'aucun de mes agresseurs ne puisse me prendre à revers. Devant moi, derrière mon rideau de larmes, je percevais un homme avec un fusil et j'ai entendu le chargement de son arme. Il me mettait en joue. J'ai levé le poing qui serrait l'argent et j'ai dit « It's for humanity, kill me !» C'est pour l'humanité, tuez-moi. Je regardais fixement le trou du canon d'où la balle allait arriver. Sur le côté gauche, je n'ai pas vu s'approcher le militaire qui me faucha les pieds. Je me suis donc retrouvé à terre et les 5 agresseurs se jetèrent sur moi. Ils n'arrivaient toujours pas à me faire ouvrir le poing. Un des soldats assis sur moi était en train de m'étrangler. J'avais une main libre. Et je frappais pour tuer. Il évita 2 coups qui lui auraient sûrement fracassé le crâne. J'avais déjà assisté de nombreuses fois à cette scène dans les cellules camerounaises. D'expérience, quand on est étranglé, il ne faut pas bouger pour ne pas gaspiller ses forces, car après 30 secondes sans air, on met au moins 3 minutes à s'en remettre. Je décide donc d'ouvrir le poing. Une fois l'argent obtenu, l'étrangleur se leva et ils commencèrent le lynchage à coups de pied et de crosse. Au bout d'une minute, j'ai commencé à voir des étoiles vertes et jaunes. Je m'affalais sur le sol quelques secondes pour récupérer. Ils pensaient que je ne m'en relèverais pas et arrêtèrent les coups. Mais on n'est pas dans un match de boxe. De mon point de vue, c'est jusqu'à la mort. Je me redresse immédiatement et me mets en position d'attaque. À travers les larmes, je voyais de la peur dans leurs yeux. Ils criaient « Stop, stop !» Ils reculaient. Ils me dirent ensuite « On veut juste que tu signes là !» en me tendant un registre. Pour me foutre de leur gueule, j'ai pris le stylo à bout de bras et j'ai fait une grosse croix, puis me suis remis en position de combat. Ils ont fui la cellule. J'étais debout. Bilan, je pissais le sang au niveau du nez, des arcades sourcilières, et j'avais des éraflures de partout. Mais surtout, j'avais très mal à l'œil droit, à cause du lacrymogène. Je me suis allongé, et malgré toutes les souffrances, je me souviens que le pire, c'est que j'avais faim et soif. Au fur et à mesure que mon rythme cardiaque diminuait, la perception des hématomes grandissait. Au petit matin, j'avais du mal à bouger, mais j'avais tellement soif que je décidais de forcer une petite porte qui donnait sur des toilettes. Il n'y avait pas d'eau, mais la vasque du cabinet était remplie de sang, et il y avait aussi des petites flaques de sang sur le sol. J'ai pensé que c'était sûrement le résultat d'un viol anal pratiqué sur des précédents. Je retournais me rallonger dans la flaque de mon propre sang, toujours assoiffé. Vers 9 heures, un fonctionnaire vint ouvrir la fenêtre alors que j'étais encore allongé sur le carrelage. De sa position, il ne voyait pas mon visage. Il me demanda mon nom et me dit que l'on m'avait mis là pour ma sécurité. Sans blague. Il doit être cousin avec les bires, celui-là. Je me suis redressé pour qu'il voie mon visage et j'ai gueulé en anglais. Ça, c'est pour ma sécurité ? Il est reparti très désappointé. Une heure après, ils sont venus me chercher. C'est sur le trajet pour aller au bureau de leur grand chef que j'ai pu voir ma tête dans le reflet d'une vitre. La caricature de l'expression, avoir une tête au carré, deux yeux au beurre noir, les lèvres, les pommettes, le front gonflé avec des coulures de sang séché. Encore mieux que dans le film de Rocky Balboa. Je ne voyais plus que d'un œil, et encore très peu. C'est en boitant, et donc presque dans l'obscurité, que j'arrivais dans le bureau du directeur de l'immigration. Une dizaine de fonctionnaires s'y trouvaient. Leur chef était très énervé à la vue de mon état. Devant mes yeux, ils firent l'inventaire de mon sac et lurent ce qu'il y avait inscrit sur le registre de cette nuit. 300 euros en CFA et 100 euros en monnaie du Nigeria. Il manquait 100 euros. Certains fonctionnaires avaient l'air d'être gênés. Ce qui leur faisait peur, ce n'était pas mon passeport sénégalais, mais mon passeport français périmé. Avaient-ils peur qu'un jour je puisse raconter leur pratique à ceux qui les légitiment, les soutiennent et les financent ? Prenaient-ils conscience qu'ils avaient peut-être fait une erreur stratégique selon leur conception du monde ? Je ne parle pas de pratiques humanistes ni civilisées. En réalité, ce qui les dérangeait, c'était d'avoir traité comme un Africain une personne originaire de France qui est un de leurs principaux bailleurs de fonds dans la soi-disant lutte contre le terrorisme. D'après mes sources, ce n'était pas une bavure car les exécutions, les tabassages et les viols en cellule sont systématiques dans cette zone. C'est pour cela que, quelques années plus tôt, ils m'avaient tous dit de ne pas traverser le Nigeria. Au moins une cinquantaine d'Africains m'ont raconté que les personnes étrangères qui se font arrêter sur leur route se font dépouiller ou disparaissent. À ce moment-là, moi, je n'avais perdu que 100 euros, là où d'autres avaient perdu toutes leurs économies ou la vie. Les services de l'immigration sont des bandits de grand chemin. Ils m'ont pris plusieurs fois en photo pour identification et confirmation d'identité. On peut être sûr qu'à ce moment-là, les renseignements français savaient où j'étais et dans quel état j'étais. Je passais la journée dans les locaux de l'immigration avec interrogatoire sur interrogatoire. Ils firent venir un médecin car un côté de ma tête avait doublé de volume. Le médecin pensait que j'allais peut-être perdre un œil. Le soir, après un gros remue-ménage et plusieurs cafouillages, ils me transférèrent, les yeux bandés, à quelques kilomètres, au siège régional des services secrets du Nigeria. Ils m'enfermèrent seul dans un ancien bureau reconverti en cellule. C'est à partir de là qu'ils me mirent un nouveau type de menottes aux pieds, ce, même si je ne pouvais plus courir. Mais devinez ce qui était marqué sur les menottes. Made in England. Je vais rester 5 jours dans ce bureau. La violence qui régnait dans ces locaux n'avait rien à envier à celle du Cameroun. Par exemple, un soir, 2 jeunes se sont fait arrêter à 5 minutes de leur domicile car ils roulaient sans avoir emporté leur permis de conduire. Ils se sont fait tabasser à grands coups de pied et de ceinture dans le couloir. Je sortais pour les interrogatoires et pour aller aux toilettes. Les WC étaient dans une ancienne salle de projection où 10 jeunes, entre 14 et 18 ans, étaient enfermés. En ce qui concernait mes interrogatoires, je racontais tout. Seulement pour des raisons stratégiques humanistes, j'omettais de parler de mon emprisonnement au Cameroun et du problème de la localisation de la frontière. Ces informations n'avaient plus d'intérêt pour la vie. Qu'ils les connaissent n'aurait fait qu'apporter des problèmes à ceux qui habitaient autour du haut fourneau. De plus, ce n'était pas ce qui les préoccupait. Il semblait plus inquiet du fait que j'ai des relations en France et du coup de téléphone que j'avais passé à mon frère. Le but étant maintenant de rester en vie, j'avais aussi omis de dire que la communication lors de cet appel était tellement mauvaise que mon frère ne savait ni où j'étais, ni où j'allais. Cependant, il est vrai que je l'avais formulé au téléphone. Subtilité vitale entre la question sur la réception et ma réponse sur mon émission. Je lui ai dit que je ne mens jamais, même s'il cherchait peut-être à savoir s'il pouvait me faire disparaître tranquille. Mais ce qui était certain, c'est qu'il voulait déterminer combien de temps ils avaient avant que des personnes se mettent à me chercher. Au bout de 2 jours sans interrogatoire, ils me sortirent de la cellule pour me transférer. Au passage, j'ai pu voir dans les cellules d'à côté que certains de mes voisins étaient très gravement blessés. Dehors, avec les chaînes aux pieds, sans chaussures et les mains attachées dans le dos, ils me firent m'asseoir contre un poteau. Assis à côté de moi, il y avait un vieux commerçant malien qui vivait depuis 10 ans dans une ville toute proche. Nous pûmes échanger quelques mots en français avant qu'il nous fasse taire. Nous n'étions pas sûrs, mais il nous semblait avoir entendu qu'il nous transférait à Abuja, la capitale du Nigeria. Avant qu'il nous mette des bandeaux sur les yeux, j'ai pu voir notre escorte. Il y avait au moins 15 militaires. Les services secrets sont super équipés. Fusils ultra-légers à visée laser, pantalons et gilets pare-balles, casque en Kevlar. Nous n'étions que 2 à être transférés sur plus de 600 km, et pourtant, il y avait 4 véhicules, dont 2 surmontés de mitrailleuses lourdes. Aboubacar, l'ex-malien, et moi sommes montés dans un minibus avec chacun un militaire à nos côtés. La route fut longue, surtout avec les yeux bandés. Je spéculais sur ce qui allait nous arriver. Au départ, j'avais peur qu'ils nous amènent dans la brousse pour nous exécuter. Mais chemin faisant, j'espérais ensuite qu'ils allaient nous déposer à nos ambassades respectives. J'étais calme. Après d'innombrables passages de checkpoint, nous arrivâmes 8 heures plus tard. Lieu inconnu, mais ce n'était pas une ambassade. Toujours avec les yeux bandés, les pieds nus et les chaînes, ils nous dirigèrent dans plusieurs pièces en proférant des menaces de mort. Cela faisait grand effet sur mon camarade de menottes et il arrivait à me communiquer sa peur. « Ils vont nous tuer !» Il est vrai qu'il comprenait mieux l'anglais que moi. Vers 21h, après nous avoir descendus dans les caves, ils nous retirèrent nos bandeaux, toujours avec les mains et pieds liés. Un gardien commença à me mettre des grandes claques en disant « Tu es de Boko Haram, hein? Tu es de Boko Haram! Tu es de Boko Haram !» C'était un pauvre type. Bien sûr, il ne connaissait rien de moi, et comme j'avais des traces de torture, il évacuait sa frustration, car il y avait un fait étonnant. J'ai pu constater par la suite que ce débile devait être un des seuls fonctionnaires musulmans du bâtiment. Plus précisément, j'ai pu observer que plus de 50% des responsables des services secrets appartenaient à la même ethnie, celle de la côte sud. Historiquement, les anciens traders d'esclaves. Aujourd'hui, des chrétiens. Après que ce gardien du Nord a pu montrer à ses collègues sudistes sa loyauté à leur système, Aboubacar et moi fûmes séparés dans 2 cellules différentes. CAF des services secrets, dit SSS, Maison Jaune à Abuja, cellule Obasanjo. Cette cellule a été faite dans un ancien bureau. L'entrée se fait par une double porte. La première est faite de barreaux métalliques, et une fois les cadenas enlevés, elle permet d'en ouvrir une seconde, qui est une porte épaisse, mais classique avec une poignée et un verrou. Une fois cette dernière fermée, la cellule est complètement étanche, c'est-à-dire que la seule entrée d'air possible est la climatisation. Lors des coupures de courant, cette pièce devient hermétique et si les gardiens n'ouvraient pas la porte, les détenus mourraient asphyxiés en quelques heures. Pour autant, le fonctionnement de la climatisation n'est pas un gage de confort. Au contraire, c'est réglé trop fort et c'est une torture car la température y est toujours fraîche et les détenus doivent lutter contre le vent froid qu'elle génère. La pièce est assez haute, 4 mètres, avec au sommet une petite lucarne permettant à peine de voir s'il fait jour. La nuit, une seule ampoule éclaire la pièce blanche. Le sol est constitué de carrelage blanc, qui se prolonge dans un couloir où se trouvent deux douches et deux WC. Cela devait être une ancienne cellule de luxe pour très hauts fonctionnaires. D'ailleurs, Obasanjo y a passé quelque temps. C'est après qu'il fut pendant un moment président du Nigeria. La différence qui saute aux yeux, plus précisément à mon œil valide, en comparaison avec les cellules camerounaises, c'est l'hygiène. C'était super propre. Aucun tac sur les murs, pas d'ordures, des nattes en plastique bien alignées sur les pourtours, de l'eau sortant d'un robinet, des pommeaux de douche. Étant quasiment sous terre, le couloir d'arrivée des prisonniers se trouvait au-dessus. On pouvait à chaque passage entendre les chaînes frotter sur notre plafond. Le complexe est immense, autant en superficie qu'en hauteur, au moins 3 étages. D'après mes informations, plus de 800 détenus y sont gardés dans le secret le plus total. Dans ma section qui se trouvait sous les bureaux administratifs, il y avait 4 cellules. Elles étaient à peu près identiques et comptaient entre 80 et 100 personnes. À mon arrivée, nous étions une trentaine dans la pièce de 6 mètres sur 6, où nous dormions quasiment collés les uns aux autres. Ils étaient tous très propres, eux aussi. Chaque semaine, du savon et de la lessive étaient distribués. Le balai était passé régulièrement, en plus des corvées de chiottes. Nous étions sans chaussures, avec des chaînes aux pieds, et portions les vêtements avec lesquels nous étions rentrés. Pantalons, t-shirts, boubou. Cela n'a rien à voir avec une cellule de garde à vue où les personnes changent constamment. Ici, en moyenne, les personnes restent 4 mois. Le doyen, 25 ans, était enfermé ici depuis 2 ans et demi. Dans la cellule voisine, un jeune de 20 ans avait lui dépassé les 3 ans. La moyenne d'âge est de 25 ans et de nombreux mineurs sont aussi détenus. Le plus jeune à mes côtés avait 14 ans. L'ambiance était très pesante. Ce n'est pas comme au Cameroun un lieu de passage, mais un lieu de vie. Ils se connaissent tous et depuis longtemps et sont à 90% musulmans. Les journées et les nuits sont rythmées par les prières. Entre celles-ci, les seules activités sont l'apprentissage du Coran, l'épouillage des vêtements, les mêmes sales bêtes que dans les cellules camerounaises, et la discussion. À chaque nouvel arrivant, les détenus se regroupent autour de lui pour connaître son histoire, mais surtout pour avoir des informations sur l'extérieur. Pas question de fouille ici, car le nouveau entre avec rien d'autre que ses vêtements. Une fois qu'il a raconté, il s'installera au plus mauvais endroit, sous la climatisation. Quand elle souffle, le courant d'air froid est terrible. Les autres places s'obtiennent par décalage. Il faut attendre que d'autres entrent ou que d'autres personnes sortent pour quitter l'exposition directe au vent glacial. Lutter contre le froid demande beaucoup d'énergie. Mes compagnons étaient tous maigres ou étaient en train de le devenir. Un seul repas par jour, d'un volume équivalent à une poignée et tenant dans le creux d'une main. La nourriture arrive en portions individuelles qui sont distribuées par le doyen de cellule. Quand vous avez fini votre repas, déchets de poisson ou déchets de viande, ou riz ou maïs ou manioc, vous avez encore faim, et le prochain repas est dans 24 heures. C'est une torture en continu. Le but étant sciemment d'affaiblir physiquement et moralement les prisonniers. Quelques mois avant mon arrivée, 18 prisonniers de ma section avaient tenté de s'évader. Ils ont tous été tués, d'après mes camarades de famine. Mais cette tentative fut le prétexte des administrateurs pour diminuer les rations de nourriture par 2 pour tout ce qui restait et les suivants. C'est complètement injuste. Cette sous-alimentation transformait les détenus en zombies, 99% du temps assis ou allongés. Une statistique qui pourrait être officialisée grâce aux enregistrements vidéo, car des caméras de surveillance high-tech sont installées à l'intérieur des cellules. En ce qui concerne la répression, les expéditions punitives se passent toujours tard dans la nuit. Une dizaine de militaires ouvrent soudainement les portes, puis vérifient que tout le monde porte ses chaînes. Ensuite, ils traînent dans le couloir celui qui les a crochetés, le ou les fauteurs de troubles, ou la personne ciblée. Ils le tabassent à coups de manche à balai, de crosse, de pied, et le renvoient dans la cellule. Cependant, quand il y a des problèmes de discipline, ils demandent aux détenus eux-mêmes de tabasser la personne désignée. Sans quoi, m'a-t-on dit, ils reviennent la nuit et fouettent toutes les personnes de la cellule. Lors des sorties vers les salles d'interrogatoire, en plus des pieds, chaque détenu est menotté dans le dos à travers les barreaux et ses yeux sont bandés pour qu'il ne sache pas la configuration du bâtiment. Durant mon premier interrogatoire, j'ai appris officiellement que j'étais accusé de faire partie de Boko Haram. Leur seule justification, ils avaient trouvé dans mon sac une calculatrice avec deux fils qui sortaient et dans une petite boîte, une petite bille de métal grande comme un tic-tac. Dans leur rapport, c'était marqué comme étant un détonateur et de l'explosif. Comment pouvait-il oser? On peut difficilement faire plus ridicule. J'ai quand même dit que dans la jungle, il n'y a pas de pile bouton, donc on utilise les piles des lampes torches, et la petite bille était un des résultats des essais pour le haut fourneau. Il suffisait de poser un aimant dessus. En fait, c'était la première goutte de métal que j'avais produite et gardée comme souvenir. Mais vu sa taille, même si ça avait été un explosif puissant, il n'aurait même pas fait exploser un doigt. De retour en cellule, j'interrogeais mes camarades sur les raisons de leur détention. Hormis les deux ou trois chrétiens soupçonnés d'avoir détourné de l'argent de l'État ou d'associations, tous les musulmans étaient, eux, accusés de faire partie de Boko Haram, et pour des raisons aussi ridicules que dans mon cas. Néanmoins, ils avaient tous un point commun, c'était des personnes influentes, économiquement, religieusement, traditionnellement, syndicalement, ou importantes pour d'autres. Père d'eux, frère d'eux, fils d'eux. Quelques exemples. Le jeune qui était enfermé depuis 3 ans avait un frère soupçonné d'être actuellement dans les rangs de Boko Haram. Notre chef de cellule, en revenant de la Mecque, il y a 2 ans et 6 mois, un syndicaliste ayant organisé une manifestation, déjà 8 mois, un entrepreneur du bâtiment, déjà 6 mois, un représentant du Niger en charge d'officialiser ses compatriotes, 3 mois, de très nombreux propriétaires de bétail dont certains me connaissaient. Le patron du chauffeur routier avec qui j'avais discuté 3 ans plus tôt après Maïdougouri, des imams de mosquées, des chefs traditionnels, vraiment pas des combattants. Les méthodes d'arrestation sont celles du kidnapping. La plupart marchaient dans la rue quand ils furent obligés de monter dans un véhicule. Souvent, personne ne sait qu'ils ont été arrêtés, ni où ils sont. Les séquestrés ne peuvent prévenir personne. Bien sûr, pas d'avocat ni de juge, et si toujours en vie, les libérations se font de la même façon. Relâchés en pleine rue, c'est du kidnapping. Quand on analyse le profil de chacun et qu'on le rapporte à la situation de guerre actuelle, le but est de bloquer économiquement la région sous influence de Boko Haram et surtout qu'il n'y ait pas d'argent qui soit généré sans leur contrôle. C'est ce point le plus important. Les colons ne veulent pas que les populations puissent s'enrichir en toute autonomie. Dans cette cellule, Boko Haram n'a rien à voir avec cette secte religieuse et radicale telle qu'elle est présentée dans les médias. Le but étant de cacher que dans cette zone, il y a une guerre entre néocolonialistes et anticolonialiste. J'avais donc ma place dans cette cellule. Au vu des personnes enfermées dans cette section, je suis un Boko Haram, anticolonialiste, bien que je sois anti-religion et donc très loin du terrorisme. La lutte contre le terrorisme masque une opération de paupérisation. En discutant avec mes camarades de cellule qui venaient de toutes les régions du Nigeria, j'ai pu estimer qu'à cet instant, il y avait au moins 4500 personnes dans notre cas. C'est-à-dire détenus par les seuls services secrets, donc sans aucune forme de justice et sans aucune existence légale. Déjà, quand Emmanuel m'avait dit que les Boko Haram avaient capturé 219 fillettes, j'avais trouvé ça bizarre. Je lui avais demandé « Pourquoi ?» Il m'avait répondu « Ils sont fous !» La justification que j'entendais maintenant était loin de la folie. Leur but était d'attirer l'attention médiatique sur les kidnappings pratiqués par le gouvernement. Leur revendication était de les échanger contre 2500 de ces prisonniers inconnus du grand public. J'étais une des milliers de victimes. Les services secrets me qualifiaient comme membre d'une secte alors que je ne partageais en rien leurs convictions religieuses. Au contraire, d'après moi, la soumission à une entité surnaturelle est super dangereuse, autant que la soumission au capitalisme avec son dieu argent. Ils le savaient que j'étais athée et humaniste. Je ne m'en cachais pas et faisais part de mes opinions sans problème. Cependant, d'expérience, Je ne les formulais pas aussi brutalement, car cela bloque la discussion. J'aime bien discuter. Plusieurs milliers de personnes ont essayé de me convertir aux religions catholiques, musulmanes et autres. Avec le temps, j'ai développé une argumentation performante en plusieurs points, qui permet de ne pas les braquer sans pour autant concéder. Déjà, je ne vais pas les voir pour en parler, ce qu'ils prendraient pour une agression. De toute façon, ils vont venir car c'est inscrit dans leur livre. Ils doivent recruter. Ils commencent par me demander si je crois en Dieu. Je leur réponds que non. Ils me disent qu'il faut croire et en qui il faut croire. Il s'ensuit une discussion sur son existence. Il faut être patient. Ils ont peut-être des preuves. Quand ils ont sorti tous leurs arguments, je leur pose une question. Alors, qui a inventé l'autre ? C'est Dieu qui a inventé l'homme ou l'homme qui a inventé Dieu ? S'ensuit une discussion sur les limites de la connaissance humaine où je reconnaîtrai à la fin que les scientifiques ont trois dieux. L'infini dans le temps, on ne sait pas ce qui s'est passé il y a très très longtemps. L'infini dans l'espace, on ne sait pas ce qu'il y a très très loin. Et le chaos, on ne peut pas prouver que les choses arrivent par pur hasard. L'interlocuteur prend confiance en lui, et là je lui dis « Ok, Dieu existe, donc chacun d'entre nous en est une partie. » Il vous répondra automatiquement avec un grand sourire de victoire. « Oui !» Il faut le laisser réfléchir, car il va devoir se raviser. D'après leur livre, nous ne sommes surtout pas une partie de Dieu, ou Dieu n'est surtout pas nous, en somme. C'est le moment d'orienter la question sur le libre arbitre et de conclure que nous sommes tous des dieux, ou alors Dieu, c'est nous. À cet instant, il est coincé. Son cerveau lui dit logiquement que c'est vrai et attention, il va devoir attaquer, donc essayer de diviser. Humain-nature, homme-femme, agriculteur-éleveur, communauté A, B. Dans mon cas, à 95%, il va aborder le thème des races. Sujet que je maîtrise, jusqu'à l'atome, mais pas besoin d'aller aussi profond. La stratégie expéditive est déjà d'aborder le problème des frontières. Où est la frontière entre les races ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il essaye de se valoriser, de dominer. C'est le mal, c'est de l'égoïsme pur, c'est du racisme. Il faut aller au bout de son raisonnement, sa reproduction. C'est-à-dire que son fantasme ultime, c'est de faire des enfants avec sa sœur, eugénisme. Donc profiter de son absurdité en lui disant « Je peux te prouver que les races n'existent pas. Présente-moi ta sœur et si on arrive à se reproduire, à ce moment-là, très très attention, car il va devenir nerveux, donc enchaîner ainsi. L'humanité, c'est bien. Toutes les religions disent être au service de l'humanité. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Mais pour des raisons de prosélytisme, c'est à la base de leur prédication. Difficile de recruter sans cela. Une religion qui ne prétendrait pas être humaniste serait taxée de secte, bien que les religions soient des conversions de secte. Ayant trouvé un point commun et ayant évacué le thème de la religion, les vraies discussions peuvent commencer. Comment faire pour que la vie connaisse l'éternité ? En langage religieux ou infini chez les scientifiques, changer la finalité de l'argent, créer une autre organisation, faire des fonderies autonomes en Afrique, supprimer les frontières. En réalité, il y a peu de problèmes, il y a des solutions à l'infini. Dans cette cellule, nous étions plutôt en phase sur ces sujets. Avec le temps, je gagnais en respect et en conditions de vie. Cependant, nos discussions se terminaient toujours de la même façon. Il faudrait faire, mais avant, il faut sortir d'ici. Cette date n'étant pas fixée, la plupart plongeaient dans la religion. C'était très différent de la cellule du Cameroun. Ici, l'isolement était presque total. Nous n'avions aucune interaction avec l'extérieur. Même les gardiens ne devaient pas discuter avec nous. Cloisonnés dans une pièce où rien ne change, jour après jour. Après quelques semaines d'enfermement et au fur et à mesure de la perte de leurs illusions sur la justice, les droits de l'homme et les nations, j'ai vu des personnes croyantes devenir fondamentalistes, avec comme seule occupation d'apprendre le Coran ou la Bible, les deux seuls livres dans cette cellule. En plus, c'était la période du Ramadan. Les musulmans faisaient 5 prières générales par 24 heures. 3 le jour et 2 la nuit, dont notamment une à 4 heures du matin. Je reconnais qu'il y a une certaine beauté à l'appel à la prière et la restitution du Coran est mélodieuse, mais 5 fois par jour, quand on n'y croit pas, c'est lassant, fatigant, monotone et sans intérêt. Pour ma part, une intervention divine n'étant pas envisagée, l'espoir, à l'intérieur de la cellule, je participais à l'organisation et je travaillais à l'amélioration des conditions de vie, notamment en fabriquant des objets avec des fils de natte. Lors de mes 3 interrogatoires, je m'employais à pousser mes bourreaux à contacter ma famille et ainsi tisser des liens avec mes relations extérieures. Après de longues explications du pourquoi, du comment, du quand, ils comprenaient l'enjeu de mon projet. Comme au Cameroun, l'attitude du SS s'effaçait et l'Africain demandait ce qu'il pouvait faire à son niveau. Je leur répondais « Permettez-moi de téléphoner à ma famille en France ». Ils refusaient et voulaient absolument que je contacte les autorités du Sénégal. À chaque fois, je leur demandais s'ils avaient contacté l'administration française pour vérifier mon identité. À chaque fois, ils faisaient la moue et me renvoyaient en cellule. D'expérience camerounaise, les embêter était la plus rapide façon de sortir. Donc, comme cela semblait les ennuyer, je poussais à ce qu'ils contactent l'ambassade de France. Mais comme je le constaterai par la suite, cette fois-ci, cette stratégie était sûrement une erreur, car la France était au moins complice, voire moteur, dans ma détention. Dans ma cellule, j'avais des maux de tête violents qui venaient de ma détention, avec 5 dents infectées ou du paludisme que j'avais attrapé. Quand ils m'amenèrent voir le médecin, j'ai bien cru que c'est le médecin lui-même qui allait me tabasser. Injures, intimidations, et le tout lors d'une consultation avec les yeux bandés. Néanmoins, je retournais en cellule avec une nouvelle prescription d'antibiotiques. J'en avalais une partie et donnais l'autre à mes camarades les plus malades. En ce qui concerne les accessoires de mon cerveau, mes hématomes se résorbaient et mon œil droit était toujours très rouge, mais il recouvrait la vue. Après 1 mois, disons que j'étais présentable. C'est à ce moment-là qu'ils m'amenèrent dans un petit bureau où je rencontrais un représentant de l'ambassade du Sénégal. Prévenu la veille par les SS, il avait fait plusieurs dizaines de kilomètres pour venir me voir. Durant notre entretien sous surveillance des SS, je lui ai dit que c'était à la France de s'occuper de mon rapatriement. J'ai omis de dire « cette fois-ci », pour des raisons évidentes. Ensuite, je pus lui donner les numéros de téléphone de ma famille, en France et au Sénégal, et lui ai demandé de les contacter. Il l'a fait, merci. 2 jours après, dans la même pièce, je rencontre un représentant de l'ambassade de France cette fois-ci. Comme je l'apprendrai par la suite, pour me rencontrer, le Français avait parcouru une distance bien moindre que le Sénégalais. On était jeudi soir. Il me dit « Pas de problème, tu restes en prison, une petite enquête, et lundi soir, tu seras dans un avion pour Paris. » J'avais presque le sourire ce week-end, alors que je terminais les paniers en fil plastique pour mes co-détenus. J'avais d'ailleurs monté une petite activité et j'avais 3 apprentis. Cela nous permettait de nous occuper l'esprit. J'avais toujours super faim, et comme les autres, impossible de vraiment dormir. Mais cela ne m'empêchait pas de rêver. L'un de ces rêves était récurrent. J'étais assis sur une table en train de déguster un menu XXL de McDonald's. Désolé, mais c'est la réalité. J'en salivais d'avance. Encore quelques heures. Je n'ai jamais eu aussi faim. Le lundi, j'avais donné à chacun mes vœux de prompte libération. J'avais même des numéros de téléphone pour prévenir des familles de camarades et j'attendais que la porte s'ouvre. Midi, rien. 17h, rien. 19h, rien. Bon, ce sera pour demain. Le lendemain, rien. Et le surlendemain aussi. 2 semaines sans nouvelles, cela me parut une éternité. Et l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. Avant d'être à bout de force, je décidai de changer de tactique. Lors de la tentative d'évasion, 3 mois plus tôt, les prisonniers avaient ouvert toutes les cellules de la section et avaient demandé à ceux qui étaient motivés de les suivre pour une sortie en force. Ceux qui étaient dans ces cellules depuis plus de 3 mois n'étaient pas motivés pour la violence et avaient décidé de ne pas tenter le coup. À leur décharge, cette résignation se justifiait aussi par le fait que notre bâtiment était dans la zone la plus sécurisée du Nigeria, à 800 mètres du palais présidentiel et accolé à d'autres bâtiments hautement protégés dont j'aurai l'occasion de reparler. Les chances de réussite étaient faibles. Mais sont-ils vraiment morts? Ou c'était peut-être pour faire peur à ceux qui étaient restés? Si j'avais été présent à ce moment-là, j'aurais été le 19e à tenter sa chance. Je ne comptais pas rester tranquillement dans cette pièce pendant des années. perdre des jours à espérer d'avoir suffisamment d'importance pour rester en vie. Ma raison, c'est la vie. Attendre la mort, c'est pas une vie. En plus, je sentais mes forces physiques diminuer. Quand je suis parti de France, je pesais 92 kilos. Mi-juillet 2014, je ne pesais pas plus de 60 kilos pour 1m90. Je voyais mes côtes se dessiner sur mon torse. Encore quelques semaines à ce régime et je ne pèserais pas grand-chose dans une bagarre. Donc, avant de n'être plus qu'un squelette, je préférais attaquer, même si mes chances de sortie étaient nulles et la probabilité de mourir bien plus grande qu'au Cameroun. Ajoutez à cela que le faux espoir de sortir m'avait fait réfléchir. Il ne fallait pas compter sur l'extérieur. Comme d'habitude, il fallait que je m'en sorte par moi-même. Mais ici, la seule chose que j'avais à mettre en jeu, c'était ma vie. Par conséquent, je décidai que la prochaine fois que j'aurai les chaînes enlevées, je refuserai de les remettre sans avoir des nouvelles sur mon avenir. Tabassage garanti et la mort en prime. Tous les lundis et les jeudis, nos chaînes étaient ouvertes pour nous permettre de prendre une douche. On était vendredi, jour du coiffeur. Je planifiais cela pour dans quelques jours, histoire de m'entraîner un peu au mouvement du karaté. Les séances se passaient dans les toilettes pour être à l'abri des caméras. L'objectif de ces exercices était de me remettre en tête certains automatismes. Enchaînement, coups de poing, coups de pied et les gestes défensifs. Physiquement, j'avais la boule à zéro. Ce week-end-là, j'ai décidé que si je réussissais à m'en sortir en vie, je ne me couperais plus les cheveux tant que je n'aurais pas raconté ce qui s'était passé. C'est un moyen mémotechnique de me rappeler que chaque personne sait ce qu'est le mal, la mort, mais que la plupart continuent à travailler pour lui, pour elle. Deux exemples. L'hygiène est une bonne chose pour la vie. Ici, un coiffeur rasait tous les détenus une fois par mois. Ce coiffeur, avec sa cravate, son costard bien propre et son badge, c'était un civil. Il coupe des cheveux à plusieurs milliers de détenus par an dont la plupart ont des marques de torture. En plus, il voit leur état se dégrader. Puis il rentre chez lui. Il sait pour les kidnappings. Mais que couper des cheveux? En aucune façon, je ne veux lui ressembler. J'aurai les cheveux longs. Il y a tellement d'exemples. Là-bas, un poseur d'affiches, il sait pour la France-Afrique. Le soutien aux dictatures, le pillage des ressources. Pourtant, il est en train de poser des affiches pour le recrutement de l'armée. Mais que poser des affiches publicitaires? Résultat direct de leur passivité et de leur travail, dans quelques heures, j'allais pousser ces militaires recrutés à venir me mettre les chaînes de force. Mais avant cela, je comptais bien en mettre le maximum au tapis et leur faire goûter au carrelage sur lequel je dormais depuis 2 mois, voire le recouvrir de leur sang. Tout est une question de préparation et d'évaluation. J'estimais les probabilités comme suit. 50% de tabassage classique, 30% de torture grave, 20% de mourir. Le lundi arrive trop vite. À 10h, ils enlèvent les chaînes. À 15h, une personne passe nous dire de remettre nos chaînes. À 16h, elle repasse pour vérifier en faisant défiler les détenus devant la grille fermée. Je passe en dernier avec mes chaînes dans la main et lui fais part de mes revendications. Il gueule. Mais ils devraient communiquer un peu plus entre eux. Ça leur ferait économiser de la salive. M'impressionner par le volume sonore n'est pas une méthode efficace. De nombreuses menaces me sont proférées jusqu'à 18h30, où toute l'équipe de tabassage est devant la grille. Ça va déraper, mais il est à noter, chose exceptionnelle, qu'un cravaté des bureaux est descendu. Il me demande pourquoi je ne veux pas remettre mes chaînes, et je lui expose la situation. Il me somme de les remettre, sans quoi il fait rentrer les militaires. Et je dis « Ok, je veux qu'il rentre ». Derrière lui, un militaire charge son fusil mitrailleur et dit « Crois-tu qu'on est obligé de rentrer? Je peux te mettre une balle ?» Il s'apprêtait à me mettre en joue quand le type des bureaux le fit taire. Exactement comme on ordonne à un chien de ne plus aboyer. Le porteur de cravate me fit la promesse que demain, il allait voir ses chefs et me tiendrait informé. Or pour l'heure, les bureaux étaient fermés et qu'il valait mieux que je remette mes chaînes jusqu'à demain. L'argumentation était logique. Et mes revendications étaient entendues, je remis mes chaînes. Gros moment de tension. Mais je n'étais pas encore sûr qu'il ne reviendrait pas pendant la nuit pour la punition. Mais non. Par contre, pour les infos, le lendemain, rien. Et le surlendemain, pareil. Et je voulais recommencer dès le jeudi, mais je trouvais que ce jour était trop proche du week-end, donc je replanifierais cela au lundi suivant. Mais maintenant, la pression ne venait pas des gardiens, mais du peuple de la cellule. Ils essayaient de me convaincre de rester passif. Je Je connais la peur. Elle est contagieuse et je ne voulais pas être contaminé, donc pendant une semaine, je n'ai pratiquement pas parlé. Sauf pour une chose. Durant 2 mois, j'avais refusé de me décaler et j'étais resté sous le souffle de la climatisation. C'était pour montrer ma désapprobation au système du bizutage et au fait que c'était toujours les plus faibles qui finissaient dans le froid. Comme ce n'était pas la place idéale pour se battre avec des gardiens en grand nombre, je demandais donc la place dans l'angle et derrière la porte. Accordé. Ainsi, je n'aurais aucun agresseur, ni à droite, ni à gauche, ni derrière, et pourrais les affronter quasiment un par un. J'avais même prévu des pièges au sol avec les nattes. Lors de ma dernière rébellion, l'équipe de tabassage m'avait fait des promesses et la réception de coups était inéluctable. J'orientais toutes mes pensées sur le combat en me concentrant sur les coups que j'allais leur donner. C'était une nécessité, car il y a pire que la douleur d'un coup. C'est l'angoisse générée par l'attente de la douleur d'un coup. Cette semaine fut difficile, mais ce lundi, j'étais prêt à mourir. Idem, 10 heures, les chaînes étaient enlevées. 16 heures, ils constataient que je ne les avais pas remises. 16h30, avec la présence cette fois-ci de plusieurs cravatés, dont un qui se disait responsable de mon dossier et qui me promit que demain, j'allais voir le grand chef. Blabla, je rétorquais que la semaine précédente, il m'avait été dit la même chose et qu'en aucun cas, je ne remettrais mes chaînes. Je leur ai dit en anglais basique « Entrez, je préfère mourir pour l'humanité que de vivre comme ça !» Ils changèrent de tactique. Ils demandèrent alors aux personnes de la cellule de m'attaquer et de me remettre les chaînes de force. La menace était réelle. Le dernier ayant reçu des coups disciplinaires donnés d'un autre détenu était sorti sur un brancard, presque mort. Mais il faut noter qu'il était déjà très amoché par les tortures subies avant d'entrer. En ce qui me concernait, durant ces 2 derniers mois, j'avais été à chaque fois le modérateur dans ce genre de violence ordonnée par les gardiens. Un groupe peut être extrêmement cruel quand il commence à martyriser un individu. Il y a un phénomène d'escalade virile où chacun essaye de prouver sa dangerosité. Après coup, le groupe s'en rend compte. Mais dans mon cas, ils devaient taper celui qui, quelques jours auparavant, leur avait dit de se calmer car il n'avait pas à collaborer en faisant le travail de la police. Avant même la demande des gardiens, j'avais demandé à mes camarades de se mettre dans l'angle opposé à ma position pour qu'ils ne soient pas impactés. 2 sur 30 s'avancèrent, un chrétien et un musulman, mais le doyen les rappela. Ce chef de cellule dit au gardien : « On n'a rien à voir dans cette histoire et vous n'avez qu'à entrer pour régler vous-même la situation. » Je tiens à souligner le courage du chef de cellule car il prenait, lui, le risque de se faire fouetter pour insoumission. Les gardiens refermèrent la porte. J'étais constamment aux aguets du moment où l'équipe de tabassage allait rentrer. La nuit fut longue. Au petit matin, j'étais épuisé quand la porte s'ouvrit. Ils m'appelaient devant la grille. Ce n'était pas l'équipe des gros bras. Ils me disent « Tu vas voir le grand chef » et ouvrent la porte. Dans le couloir, ils se penchent pour me mettre les chaînes aux pieds, fierté, et m'attachent les mains dans le dos. Mais avant de faire descendre le bandeau sur mes yeux, ils sortent le manche à balai et au loin, je pouvais voir l'équipe de tabassage. Mon corps a commencé à trembler. Je m'étais fait attraper. Les yeux bandés, ils m'ont fait avancer. J'allais vers la mort. Tout en marchant, mon corps continuait à trembler. Il y avait des paroles, mais mon attention était focalisée sur les coups qui allaient arriver. Au bout de 50 mètres, j'estimais avoir passé l'équipe de tabassage, mais je ne prenais pas l'escalier menant au bureau. Je me disais, c'est peut-être le chemin de la salle des tortures. Après m'avoir baladé pendant 5 minutes avec plusieurs montées et descentes d'escalier, ils me demandent de m'asseoir au sol. Plusieurs minutes après, ils me font entrer dans un bureau, 2e étage, angle est. 4 personnes. Celui qui était derrière le grand bureau devait être le grand chef. Je n'ai pas compris tout ce qu'il se disait, mais en gros, que mon dossier était prêt et que j'allais sortir demain. Effectivement, le lendemain, je renouvellerai mes adieux de prompte libération à mes camarades à... Effectivement, le lendemain, je renouvelai mes vœux de prompte libération à mes camarades après que les porte-flingues me demandèrent de sortir en prenant toutes mes affaires. Avant de sortir, je fis don de mon haut de boubou au plus jeune qui restait sous le souffle de la climatisation. Enchaîné, j'ai récupéré mon sac à dos et surtout je pus remettre mes chaussures. Elles me furent remises par le gardien qui m'avait mis des baffes à mon arrivée. Il fuyait mon regard, il semblait même gêné et baissait les yeux. « Porter des chaussures ! Quel pied !» Ils m'amenèrent dans un 4x4 où ils me bandèrent les yeux. Je ne savais pas où j'allais. Ambassade de France, aéroport, autre cellule ou exécution au bord d'une fosse. Nous roulâmes plusieurs dizaines de kilomètres et quand j'entendis le son des réacteurs d'avion, je me mis à rêver du plateau repas. Mais non. Quand je sortis de la voiture, c'était pour d'autres cellules, celles du siège de l'immigration. Elle se trouve à 1 kilomètre de l'aéroport. Lors de la transmission de mon dossier, j'ai entendu que les agents des services secrets ordonnaient aux agents de l'immigration de ne pas me faire subir d'interrogatoire. Encore plus cool, la cellule était une très grande pièce avec des douches et WC. Le bâtiment n'avait qu'un seul étage. La pièce était très lumineuse, avec de nombreuses fenêtres qui s'ouvraient sur une grande étendue en laissant entrer le soleil. Le sol était jonché de matelas, au-dessus desquels des ventilateurs portatifs faisaient circuler l'air. Il y avait même de la lecture. La population était constituée d'une 20aine de personnes originaires principalement de l'Ouest. L'un était même mon cousin, un Khan, de Pikin, Sénégal. Ils avaient tous entre 18 et 25 ans, très bien éduqués, très motivés. Ils me rappelaient les cueilleurs de fruits en Espagne, avec la même expression. On va chercher de l'argent. Les migrations internes à l'Afrique sont plus importantes que celles vers l'Europe. En prenant comme référence mes nouveaux camarades, on peut identifier deux flux. Les habitants des pays francophones étant moins riches que ceux des pays anglophones, beaucoup vont y travailler. Hormis le Gabon. Et beaucoup d'Africains de l'Ouest essayent d'aller vers l'Est pour s'enrichir. Dans cette cellule, ils avaient tous été arrêtés en traversant le Nigeria. Ils allaient tous de l'ouest vers l'est et la moitié avait pour destination le Gabon. Aller vers la richesse étant beaucoup moins périlleux que le retour, au vu de mes précédentes expériences, cette cellule était le paradis. Après 2 mois à dormir sur le carrelage, quand ils me demandèrent combien d'épaisseur de matelas je voulais, j'étais un peu ému. Une journée à parler avec mes nouveaux codétenus, et j'étais remotivé pour aller construire une autre fonderie. En tout cas, aller au Sénégal pour connaître la position du nouveau gouvernement, qui avait fait des promesses sur l'industrialisation des matières premières, et notamment la transformation du minerai de fer. Peu de chance que je travaille avec des nationalistes, mais il y avait une volonté populaire. Il était intéressant d'aller tâter le terrain. C'était mon objectif initial, traverser le Nigeria pour rejoindre le Sénégal. De plus, ils m'apprirent comment cela se passait au niveau de l'expulsion. Ils te gardent quelque temps, maximum 3 semaines. Puis ils t'amènent à la frontière du Bénin. Là, ils te donnent 100 euros pour que tu puisses rejoindre le Sénégal. Parfait. Le lendemain matin, un bus emmena tous mes camarades à la frontière béninoise et je me retrouvais seul. Avec un policier du Nigeria, accusé de corruption. C'est alors que le responsable des cellules me fit sortir pour m'interroger. En disant à ses collègues qu'il tenait à savoir qui il détenait et que les SS n'avaient pas d'autorité. Vive la guerre entre les services. Les 15 premières minutes furent extrêmement tendues. D'habitude, plus mon interlocuteur connaissait mon histoire et plus il se calmait. Là, c'était le contraire. Il m'accusait de mentir et me posait des questions bizarres. Ce type n'était pas un gros bras, plutôt svelte. D'une 50aine d'années, un fonctionnaire qui semblait sérieux, même intelligent, de ceux qui veulent vaincre par la ruse. Au bout de quelques minutes, il s'est énervé face à mes réponses et m'a sûrement sauvé la vie. Il avait entre les mains des dossiers, mes passeports. Il retourna le dossier qu'il avait sous les yeux. En tête des services secrets du Nigeria, avec tampon rouge, confidentiel. Il y avait plusieurs pages, mais il me montre la 5e ligne de la première page en me disant « Tu mens ici ». C'est marqué que le 25 mai, tu donnes dans la ville de Ibn. Il était effectivement écrit « Suleiman Khan a été vu le 25 mai dans la ville de Ibn ». Je lève les yeux en le regardant et je lui rétorque. « Comment aurais-je pu être à Ibn le 25 mai, alors que vos services d'immigration m'ont arrêté et mis en cellule depuis le 22 mai au soir ?» Nous avons pris conscience en même temps. Il a écarquillé les yeux, et moi j'ai violemment posé les mains sur le rapport pour essayer de lire la suite. Mais le temps que je retrouve la ligne, il avait réussi à me retirer le document. Il avait l'air très embêté et j'avais un petit sourire. Après quelques instants de réflexion, il m'a dit « Reste là, je reviens ». Un peu plus tard, il est revenu avec de simples feuilles blanches, en me demandant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je commence à raconter. Mon anglais n'est pas très bon. Donc après quelques minutes, il me stoppe et va chercher un traducteur. Mais je pense que c'était aussi pour avoir un témoin. Il revient avec un autre détenu. Encore un joya de la famille royale Bamou, originaire du sud de la Fonderie. Ayant subi l'éducation camerounaise, il parlait parfaitement le français et l'anglais. Il avait passé quelques semaines lui aussi dans les cellules des services secrets du Nord, avant d'être ramené au siège de l'immigration pour expulsion. Il avait été kidnappé alors qu'il vendait des cassettes de musique traditionnelle sur un marché. Il fit une excellente traduction aux fonctionnaires qui semblaient de plus en plus embêtés. Après lui avoir fait part de mes projets, ce responsable de secteur me dit en conclusion, en faisant nom de la tête, « Réfléchis bien à ta situation. » Réfléchir. Je ne faisais que ça d'ailleurs, mais un bref rappel des faits est nécessaire. Qui était au courant que j'étais là? J'étais enfermé au secret, depuis 2 mois, dans la jungle. Je les avais quittés sans espoir de retour. Et pour eux, j'étais déjà au Sénégal. L'équipe de zoologistes rencontrés n'avait aucune raison de se soucier de moi et devait être rentrée en Europe à cet instant. Mon frère ne savait pas où j'étais. La communication téléphonique n'ayant pas été suffisamment bonne, il pouvait me croire encore dans la jungle. Les services secrets français, eux, étaient forcément au courant depuis le début. Suite à la demande d'identification de mon passeport périmé, l'ambassade de France a dû être prévenue par un ex-camarade. Depuis au moins 1 mois et demi, le représentant du Sénégal a-t-il prévenu ma famille? Le représentant de la France, lui, m'a menti, notamment sur ma proche libération. Sachant qu'il appartient à la même administration que celle qui a produit de faux rapports au Cameroun, a-t-il prévenu ma famille? Depuis le début, les fonctionnaires des services secrets nigérians avaient essayé officieusement de me faire comprendre qu'il ne fallait surtout pas compter sur les autorités françaises pour m'en sortir. Les services secrets m'ont inventé une histoire dans la période où ils me détenaient au secret, dans leur cellule. Ce dernier point est très important. Pourquoi se donner la peine d'écrire une histoire fausse de plusieurs pages? De plus, après cet interrogatoire, l'attitude des lecteurs de cette fiction sur 4 pages, les fonctionnaires de l'immigration, changea et était pour moi très étonnante. Pour la première fois de ma vie, des militaires avaient reçu la mission de me protéger. Ça me faisait bizarre. Je n'avais plus de menottes et ils m'ont même escorté voir leur propre médecin afin de soigner mes différentes infections. Ils semblaient nerveux, face à une agression extérieure et sur ma vie. Lors des petites interviews avec les responsables, ils me faisaient comprendre que la route pour le Sénégal pourrait être dangereuse dans mon cas. Je percevais aussi que si je me faisais assassiner ou perdais la vie alors que j'étais dans leurs locaux et sous leur responsabilité, certains fonctionnaires de l'immigration allait avoir de gros problèmes. Ce n'était pas la préservation de ma vie qui les préoccupait, c'était la conservation de leur poste. Il est vrai que je n'avais pas lu les autres pages du rapport et qu'elles ne peuvent que justifier officiellement de ma dangerosité. Le but final ne pouvait être que de justifier ma mort. Je n'ai pas peur de mourir. Je comptais aller au Bénin et essayer de passer entre les balles jusqu'au Sénégal. C'est ce que je désirais faire. Cependant, comme à chaque fois depuis 10 ans, lorsque j'ai à prendre une décision, je me pose la question de savoir si c'est la bonne. Le bien. Le bien étant toute décision qui va dans le sens de l'augmentation de l'espérance de vie de la patrie humaine. Très souvent, ça va à l'encontre de mes désirs. Einstein aurait dit que s'il avait 1 heure pour résoudre un problème dont sa vie dépendait, il passerait 40 minutes à analyser, 15 minutes à en faire la revue critique et 5 minutes à mettre en œuvre la solution. C'est un raisonnement faux et égoïste. Car la première question à se poser est « N'est-il pas judicieux de perdre sa vie pour la vie ?» Je le ferai sans problème, mais à cet instant et dans mon cas, la réponse est plus subtile. Il y a une notion de rentabilité de ma mort. Supposons que je meure sur la route vers le Sénégal. J'ai vu la façon dont les gendarmes français avaient fait leur rapport suite à la mort de mon père 10 ans plus tôt. Si je venais à disparaître, les possibilités d'enquête de ma famille étaient nulles. Et s'ils arrivaient à savoir que j'étais mort, les rapports des services secrets du Nigeria et du Cameroun feraient foi. Ils avaient même les écrits pour m'abattre d'une façon tout à fait officielle. Dans ce cas, je passerais pour un paumé qui s'est fait embrigader par une secte d'un mouvement islamiste radical. Du point de vue des services secrets français, après ce que j'avais vécu, vu et appris, ils ne pouvaient qu'en conclure que j'étais irrécupérable pour la société française, voire gênant. Moi, mort. Il n'y avait aucune chance qu'un jour, même une seule personne sache la vérité sur ma vie. Attention, mon ambition est d'être le plus grand humaniste de tous les temps, dans les faits mais pas dans l'histoire. Donc qu'il me fasse passer au niveau des médias pour un membre de Boko Haram ne me dérangeait pas. Je ne serais qu'une anecdote dans les chaumières et autour de la machine à café, mais ce scénario est peu crédible, car ils m'auraient exécuté directement. Pourquoi m'avoir gardé en vie? S'ils avaient produit des faux rapports, c'était pour s'en servir. On peut essayer de retourner le problème dans tous les sens. On arrive en conclusion que logiquement, ils voulaient profiter de ma mort. Faisons donc un scénario plus probable. Supposons que je prenne un bus et que lors de la traversée d'une ville où un mouvement indépendantiste autonomiste est actif, mon bus explose dans un marché. Dans ce cas, je passerai pour un terroriste et il se servirait de ma mort. Je ne serais qu'un argument auprès des crédules pour faire des représailles dans la ville, pour envoyer des troupes françaises faire des centaines de morts, pour que les dictatures soutenues fassent, elles, plusieurs dizaines de milliers de morts, pour paupériser un peu plus l'Afrique, ce qui génère des millions de morts, pour continuer le pillage des ressources qui aboutira à des milliards de morts, pour finalement la fin de toute vie. Ma mort sera au service des capitalistes, qui, pour leur confort de vie, sont prêts à profiter de la vie. Je mourrai un jour, c'est sûr. Mais sans attendre la mort, je comptais bien avancer et en faire profiter la vie. J'avais décidé de rentrer en France pour écrire cette autobiographie. Alors, pour faire éclater la vérité sans me faire déchiqueter, j'ai employé une stratégie que l'on peut illustrer par le concept de la grenade. Si vos ennemis veulent vous faire exploser et que vous vous rapprochez assez d'eux, vous serez en sécurité. Dans mon cas, mes ennemis étaient, et sont toujours, les profiteurs des industries mortifères. J'ai donc cherché à monter dans un avion rempli de leurs employés, à côté de ces profiteurs de vie. C'était la meilleure tactique pour arriver à destination. Les Africains, ici cachés sous des uniformes d'agents de l'immigration, et moi étions d'accord. Les fonctionnaires, bien qu'ils aient reçu l'ordre de m'empêcher de communiquer avec ma famille, ouvrirent le coffre où était enfermé mon téléphone. Ils m'autorisèrent à appeler ma mère pour savoir si un billet d'avion avait été payé par ma famille en France. Effectivement, elle avait payé un billet d'avion open à un prix exorbitant. Elle avait été prévenue par le gouvernement sénégalais dans un premier temps. À ce moment-là, l'immigration du Nigeria convoqua le représentant de l'ambassade de France. À leur arrivée, les Africains firent signer aux Français un tas de décharges, disant que j'étais sous leur responsabilité lors de la production du laissez-passer indispensable pour monter dans un avion. Ils leur ordonnèrent également de me ramener le soir même, car ils s'occuperaient personnellement de mon transfert vers l'aéroport. Me voilà parti pour l'ambassade de France, avec 2 diplomates français. L'un d'entre eux était celui que j'avais rencontré un mois plus tôt et qui m'avait promis une sortie 2 jours après. Ma première question fut donc : pourquoi n'êtes-vous pas venu me sortir de cellule ? Il me répondit qu'il n'avait pas eu l'autorisation de le faire. Or, lors de l'entretien un mois plus tôt, le fonctionnaire des services secrets responsable de mon dossier, en sa présence et la mienne, lui avait dit : il n'y a aucun problème pour que Souleyman prenne l'avion lundi. Et si tu veux, il peut partir avec toi immédiatement. C'est lui qui a demandé à ce que je reste en cellule, pour soi-disant faire une enquête sur moi. Encore pire, après avoir menti sur les autorisations, il a ajouté : lorsque notre voisin, le chef des services secrets du Nigeria, est venu à notre réception du 14 juillet, Je lui ai demandé ce qu'il comptait faire pour ton cas. Et il m'a dit qu'il allait s'en occuper. Il a été invité. J'ai compris ce qu'il voulait dire quand ils me montrèrent où j'étais enfermé pendant 2 mois. C'était difficile de ne pas passer devant. Les caves des SS étaient à 400 mètres de l'ambassade de France. Aucune visite. Pourtant, ils devaient passer tous les jours à côté de ces bâtiments. Mais ce n'était pas le plus grave. Ils savent qu'à l'intérieur, plusieurs centaines de personnes sont enfermées de façon inhumaine, en totale violation des plus fondamentales formes de diplomatie. Et plus important, au mépris du concept même d'humanité. À 2 pas de cette ambassade luxueuse, le 14 juillet 2014, je crevais de faim dans une cave. Les imaginer en train de parler de moi tout en mangeant des petits fours, cela m'était douloureux. L'ambassade des ogres recevait ses amis les chasseurs cannibales. J'étais au menu. Mais au buffet de leur petit monde, quel poids a la vie sur la balance économique? Que représentaient nos vies par rapport aux bonnes relations avec le Nigeria? Nos passages à tabac par rapport aux opérations militaires de soumission des populations? Nos détentions illégales par rapport au maintien des dictateurs? Notre famine par rapport aux extorsions des multinationales? Que représentaient nos mises à mort dans les national-socialismes mondiaux? Sur le chemin du retour, j'ai pu sonder l'ignorance abyssale de ses employés mortifères. Les 2 agents diplomatiques en charge de me ramener, peine perdue. Si le moustique savait parler, serait-il utile de discuter avec lui? N'aurait-il pas les mêmes réponses que les sociétés actuelles? Il ne savait rien de mes projets. Après, ce fut expéditif. Le soir même, transporté à l'aéroport par l'immigration, mon coursier demanda à voir le conducteur de l'avion. C'était un de ces vols d'Air France de plusieurs centaines de places en provenance du Gabon et à destination de Paris-Charles de Gaulle. Ce pilote-livreur lut mon laissez-passer. Le responsable du colis pénitentiaire lui demanda « Acceptez-vous Souleymane Khan à bord ?» Le convoyeur ailé répondit « Oui ».